Directement du mois de juillet 1999. Bienvenue à C'était fou. On a débuté les années 2000, en fond, il y a un maudit bout de temps. On dirait que ça a comme pris un bout de temps avant de s'habituer à dire 2000, et puis là, maintenant qu'on est dans les années 2000, on a de la misère à se rappeler qu'il faut dire 1999. C'est loin, c'est loin. Bonjour et bienvenue à une autre édition de C'était fou. Je m'appelle Mathieu Plante. C'était fou a pour mission de se frayer un chemin à travers la troublante discothèque de C'est fou depuis ses débuts le 7 septembre 1997. À chaque fois qu'on se rencontre, une semaine est choisie. Cette fois-ci, c'est celle du 30 juillet au 5 août 1999. On entendra des extraits des top 3 francophones et anglophones avec des artistes et des groupes tels que Tuppert, Nitra et les 7 grammes, Flangers, Devin Townsend, Black Label Society et Pleasure. Alors, une belle heure de pleasure, hein, de nostalgie pour les habitués de C'est fou et des découvertes pour ceux qui nous découvrent encore. Ça va être mon cas encore une fois aujourd'hui parce qu'en 1999, j'étais pas encore à C'est fou. En fait, j'étais encore au secondaire, comme peut-être bien des gens qui nous écoutent. On débute l'émission comme toujours avec nos top 3 franco et anglo. Du côté anglophone, on va entendre Black Label Society avec World of Trouble, mais on débute ce bloc avec Flangers. Voici l'air de Neptune, c'était fou, au 89.1 FM. Sous une mer de vapeur bleue, loin de cancer. numéro 3. Three, four. I drank all my fucking brew. Now I ain't got no more. We'll be right back. En effet, Black Label Society et World of Trouble en position numéro 3 pour la semaine du 30 juillet au 5 août 1999. Parlons un petit peu de Black Label Society, le groupe de Zakk Wylde, connu surtout pour le fait qu'il était guitariste pour Ozzy Osbourne pendant très longtemps. Avant entendu Flangers avec L'Air de Neptune en troisième francophone, Flangers, groupe de Québec, très éphémère avec un seul album connu. Vous êtes toujours à C'était fou, l'émission qui rembobine C'est fou jusqu'en 1999. Cette fois-ci, on est rendu aux deuxième position. Du côté anglo, c'est Bad Devil de Devin Townsend, mais on débute avec Nitra, mais les 7 grammes. Voici l'ami. Et puis on parle évidemment de ce bloc-là après, hein? Passé. Parce que l'émission, c'est C'était fou, on parlera pas au futur. Hein? I see how it feels when you're shit. For some Byron Stroud on the bass, Jamie Meyer on keys. Keep it together, oh God. David Townsend et Bad Devil en position numéro 2 anglophone pour la semaine du 30 juillet au 5 août 1999. Oui, hey, j'ai de la misère à dire 1999, je suis vraiment pris dans 2000 quelques. Mais bon, donc David Townsend, ça ressemble un peu à du Guns N' Roses, comme vous l'avez remarqué. C'est du métal progressif et puis David Townsend est reconnu partout dans le monde. En fait, maintenant, il fait du métal progressif. Pas ce qu'on vient d'entendre. Maintenant, il fait ça. Avant, du côté franco, on a entendu Nitram et les 7 grammes avec l'ami. Et ça, Nitram et les 7 grammes, c'est le groupe local dirigé par Martin Baudry, qui est un grand fan de Frank Zappa. Et d'ailleurs, fait intéressant, il a animé ici même, assez fou, une émission pendant 2 ans qui s'appelait Zappa de ZAA. Donc, il faisait vraiment la discographie complète de Frank Zappa dans cette émission-là. On est rendu position numéro 1. Du côté anglophone, on va entendre Pleasure avec Supermodel, mais on débute avec Tuppert. Voici. Et là, oui, c'est vraiment du côté francophone. Tuppert avec Figure You Out. Ah, c'était fou, l'émission qui rembobine, c'est fou. Topper était la pièce Figure You Out, position numéro 1 francophone pour la semaine du 30 juillet au 5 août 1999. Je dois être très honnête avec vous et vous laisser tomber complètement. J'ai pas le numéro 1 anglophone. J'ai cherché autant que possible partout sur les différents internets et non, il n'y a pas de possibilité d'écouter Pleasure avec Supermodel. Mais quand même, parlons de ces deux groupes, groupe canadien, Pleasure, c'est tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Du côté franco, Topper, c'est un groupe, comme vous l'avez entendu, à tendance très on veut jouer à la radio. Un groupe de Québec, ça a joué seulement à C'est Fou et à une autre radio là, de Québec. Je vous épargne le nom, mais vous connaissez laquelle. Hein? Ça a quoi de me censurer comme ça, vous savez très bien de quoi je parle. Mais bon, donc c'est la fin de la première partie de C'était Fou. Il y en a une deuxième qui s'en vient juste après la pause. On va plonger dans le reste des palmarès, hein, parce qu'on a un top 10 franco et un top 15 anglo à parcourir pour cette semaine du 30 juillet au 5 août 1999. Alors, restez des nôtres, C'était Fou. Bon, c'est la deuxième moitié de C'était Fou, l'émission qui rembobine C'est Fou. Et cette semaine, on a choisi celle du 30 juillet au 5 août 1999. Dans la première partie, on a écouté le top 3. Maintenant, c'est le moment de regarder ce qui se passait ailleurs dans ces palmarès-là. Les positions 4 à 10 franco et 4 à 15 anglophones à l'époque. En fait, c'est tout ce qu'on avait à cette époque-là. C'était au début de la station quand même. On avait débuté. Ben, la station a commencé en 1997, commencé à diffuser. Donc, 99, c'était encore très, très jeune. On n'avait pas encore de palmarès loud ou électronique ou rap ou n'importe quoi. Ouais, on avait pas ça. Donc, on va y aller avec les quatrièmes positions. Du côté anglophone, c'est Zebrahead avec The Real Me. Mais on débute avec les marmottes aplaties. Voici Bagnole. Maintenant que j'ai ma bagnole, je vais pouvoir épater tout ça guignol. Ma la fille, elle va m'amuser. C'est avec moi qu'elle pense. Elle est au ciné. Oui, mais un jour, quel cauchemar. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ça leur part. Ma belle voiture vandalisée. Oui, la voiture. Elle était belle, elle était rouge, elle a des sièges en velours. Et maintenant que je suis à pied, qu'est-ce que je fais si je me raguais? Aujourd'hui c'est la même île, mais y'a une chose bizarre, j'ai un rancard. Et Suzy elle va se moquer devant tous mes amis, elle va me crier. Et toi qu'est-ce que tu viens faire ici? Je t'avais pourtant un avis. Pourquoi veux-tu que j'aille danser avec toi si tu es à pied? Mais moi, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Je veux ma bagnole, yeah, yeah, yeah, yeah. Oui, ma bagnole, yeah, yeah, yeah, yeah. Je veux ma bagnole, yeah, yeah, yeah, yeah. Vendredi tout en espérant, j'y enfin retrouvé. Je reste maqué car j'ai réussi à la remonter. Oui mais un soir, ce cher mon père m'a pris d'un coup, culotte à terre. M'a tabassé, bandé les yeux et m'a traîné chez les Mathieu. Mon préféré, c'est Jérémy. Lui il n'a pas la face de rat. Il m'a permis de voir Suzy couper en pièces dans un petit plat. Welcome to the world. I think though that the world is spoiled. She holds on to me. She holds my hips. places to be, but she says she would rather stay here with me. And I found out when I'm on the ground, she is the only one sticking around. Only she knows the real me, and I know that she won't let me down. And I get mine, and I get mine, and I get mine, and I get mine, and I get mine, and I get mine. There's only one to live this world who understands the real me. There's nothing superficial or official. Get just what you see. There's only one to live this world who understands the real me. There's nothing superficial or official. Get just what you see. Gros bloc de trois pièces ici à C'était Fou, l'émission qui rembobine, c'est fou. On va aller dans l'ordre inversé. Ça, c'était Grimmskunk avec Apache, groupe très prolifique. Assez fou, on les a presque à chaque semaine ici à C'était Fou. Ça, c'était une reprise des Berruriers Noirs sur l'album Viva Berru. On dit sur leur pochette, hommage des bûcherons québécois à Berruriers Noirs. Avant, on a entendu Zebrahead, groupe californien qui vient d'Orange County, The OC. La pièce qu'on a entendue était The Real Me. On a débuté avec les Marmottes Aplaties et l'extrait Bagnole. Les Marmottes Aplaties du punk pop excellent. Ils sont séparés il y a 10 ans environ, malheureusement pour eux, les Marmottes Aplaties. Malheureusement pour vous et nous. Hein? Vous êtes toujours à C'était Fou, comme je disais, l'émission qui rembobine, c'est fou. On est dans la semaine du 30 juillet au 5 août 1999, cette fois-ci. Et là, on va continuer avec la formation de Katie's en position numéro 6 anglophone. Voici, dans quelques instants, Noggin Poundin' au 89.1. Oh que oui, ça va être dans vos oreilles, ça. Toi. Hey, Colin. The Real Me. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça, c'est ça. Ici, voilà. Noggin Poundin' de Katie's. On joue pas sur tout, t'sais. La la la la la, la voilà. La voilà. 3, 2, 1. Ah. Et... Ow! Ça fait mal quand ça commence, hein? Ah! Pastor Mark, ask you all that little something in the collection plate. Here we go! tout à fait. C'était Guttermouth avec Hit Machine. À l'émission, c'était fou. On rembobine, c'est fou, jusqu'à la semaine du 30 juillet au 5 août 1999. On va aller dans l'ordre inversé, encore une fois, pour parler de ce bloc-là. Guttermouth, qu'on vient tout juste d'entendre, était en position numéro 13 anglophone avec Hit Machine. Du punk pas de classe, me dit-on. Un autre groupe punk californien des années 90. Plus de membres que dans... En fait, plus de membres anciens que de membres présents, dans le sens qu'ils ont changé beaucoup de line-up, si on veut, de membres dans ce groupe-là, Guttermouth. Avant, en 12e position anglophone, c'était The Black Crowes avec Go Faster. Et puis, on a débuté le bloc avec The Katies en 6e position, toujours anglophone. Un trio de gars du Tennessee, ça, The Katies, on les a entendus avec l'extrait Noggin Poundin. Voilà pour ce bloc de C'était fou. Il nous reste pas beaucoup de temps à l'émission, donc on va y aller avec la position numéro 15 anglophone. C'était Ministry avec Step. Et puis, on en parlera juste après au 89.1 FM. C'est fou. C'est parti! particulier, hein? C'est spécial. C'est la position numéro 15 anglophone pour la semaine du 30 juillet au 5 août 1999. Ministry avec Step. Ministry qui est un des pionniers des groupes métal industriels, aussi accessoirement un groupe de drogués. Ils ont sorti un disque en 2010 récemment, mais leur premier album date de 1983, donc ils sont très très productifs, ils en ont fait des tonnes et des tonnes, on compte ça en termes de dizaines, même des fois certaines années, deux albums dans la même année, c'est spécial. On va se quitter avec la position numéro 10 anglophone, c'est Vast, avec l'extrait Pretty When You Cry. Vast, qui est un groupe super bon, groupe d'un seul homme, John Crosby, qui a fait 6 albums, et Vast veut dire Visual Audio Sensory Theater. Theater, voilà. Le TH à la bonne place. C'est ce qui termine cette édition de C'était fou. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la prochaine fois avec une autre semaine choisie au hasard. Si là, vous pouvez retrouver les notes de l'émission et télécharger les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. Je remercie le directeur de la programmation et directeur musical Alain Lefebvre pour son aide à la recherche. Je m'appelle Mathieu Plante et n'oubliez pas, c'est pas parce que l'émission s'appelle C'était fou que ça l'est plus. Bye! I didn't wanna hurt you, but you're pretty.